2. La semaine finissait et Valserine attendait encore la visite du gendarme de Septmoncel. Il n'était pas venu le lundi d'avant donner des nouvelles du prisonnier comme il avait fait chaque semaine depuis 2 mois. Elle savait que son père souffrait toujours de sa blessure à la tête et une grande impatience l'empêchait d'apporter de l'attention à son travail. Elle se trompait à chaque instant et donnait aux ouvrières des objets qu'elle ne lui avait pas demandés. Elle laissa tomber par terre 2 tout petits diamants qu'elle n'aurait jamais pu retrouver sans l'aide de Madame Rémy. Cependant, personne ne la gronda comme elle s'y attendait. Elle s'aperçut bientôt que les regards des diamantaires avaient quelque chose de changé et qu'ils s'arrêtaient longuement sur elle. Il lui sembla aussi que tous avaient des choses secrètes à se dire ce jour-là. Ils se rapprochaient pour se parler et aussitôt que leurs yeux rencontraient ceux de Valserine, ils les baissaient comme s'ils étaient gênés d'être vus par elle. Valserine vit Madame Rémy faire un signe à sa voisine et se pencher vers elle. Elle vit les yeux de l'ouvrière se tourner de son côté et se détourner de suite. Elle devina que les 2 femmes parlaient d'elle et dans l'instant où les courroies glissaient en silence, comme cela arrive souvent dans les usines, la fillette entendit que l'ouvrière disait « Maintenant il a fini sa prison ». Aussitôt tout devint clair pour elle. Elle comprit pourquoi le gendarme n'était pas venu. Elle comprit aussi les regards furtifs et mystérieux des diamantaires et elle attendit, pleine de confiance, la fin de la journée en pensant que Madame Rémy allait lui dire, comme à tout le monde, que son père était sorti de prison. Le soir, pendant l'heure du dîner, Madame Rémy dit à Valserine « Demain, nous irons chercher ton linge et le reste de tes effets dans la maison de ton père. » La fillette eut un mouvement si vif que sa chaise se recula de la table. Elle la rapprocha beaucoup plus près qu'il ne fallait et son regard chercha de nouveau celui de Madame Rémy. Mais Madame Rémy regardait à présent son verre avec attention. Elle le prit pour en frotter les bords tout en disant « J'ai demandé à Gros Goigin de nous conduire ». Elle continua de frotter son verre avec sa serviette comme si cela était la chose la plus importante du moment et elle ajouta « Sa voiture est grande et nous pourrons rapporter ici toutes les choses qui peuvent te servir ». Elle sortit presque aussitôt de table pendant que les enfants demandaient en criant qu'on les emmenât aussi dans la voiture. Le lendemain, de bonne heure, Gros Goigin vint prendre Madame Rémy avec ses 3 enfants et Valserine. Le cheval avançait lentement sur la route qui allait sans cesse en montant. Les enfants se mirent à babiller. Ils attiraient l'attention de Valserine sur tout ce qu'ils voyaient, mais Valserine ne leur répondait pas toujours. Elle avait remarqué l'air soucieux de Madame Rémy et cela l'empêchait de montrer toute la joie qu'elle portait en elle. Il fallut s'arrêter à Septmoncel pour le repas de midi. Le gendarme entra dans la salle où la petite famille déjeunait seule. Valserine vit Madame Rémy se lever précipitamment pour aller au-devant de lui et tous 2 sortirent de la salle en parlant à voix basse. La fillette fut très surprise de voir Madame Rémy revenir toute seule. Elle aperçut peu après le gendarme par la fenêtre ouverte. Il remontait la rue, sans hâte, le buste un peu penché et ses 2 mains derrière le dos. Le voyage reprit après le déjeuner. Les enfants commencèrent de laisser aller leur petite tête au balancement de la voiture et ils finirent par s'endormir tout à fait. Madame Rémy était assise juste en face de Valserine. De temps en temps, elle respirait longuement, comme les gens qui prennent une grande résolution et Valserine croyait toujours qu'elle allait lui parler. Puis la jeune femme détournait son visage de celui de la fillette et elle paraissait très occupée à empêcher les enfants endormis de glisser de la banquette. Valserine l'aidait de son mieux en soutenant la tête de l'un d'eux, mais elle se renversait constamment en arrière pour apercevoir le tournant d'une montagne qui cachait sa maison. Quand la voiture traversa le village de la Joue, Valserine sentit en elle comme un bouillonnement. Elle se mit à rire et à remuer les jambes. Elle avait envie de parler aussi. Elle voulait dire à Madame Rémy ce qu'elle avait entendu la veille dans la diamanterie. Elle voulait lui demander depuis combien de jours son père avait fini sa prison. Il lui semblait que toutes ces choses seraient faciles à dire si les enfants se réveillaient. Mais il continuait de dormir tranquillement et la fillette sentit augmenter sa timidité devant l'air ennuyé de Madame Rémy. Elle craignit de la fâcher et de l'entendre blâmer son père, comme cela était arrivé chaque fois que le gendarme avait donné des nouvelles du prisonnier. Alors elle se pencha davantage, avec l'espoir de voir son père au bas du chemin qui grimpait à leur maison. Maintenant la voiture descendait rapidement la route très en pente qui va de la joue à mi-joue. Au détour d'un lacet, Valserine s'agita brusquement. Elle repoussa la tête de l'enfant qu'elle soutenait et se mit à crier d'une voix forte. « Arrêtez, on est arrivé !» Elle disait cela à Gros Goigin et à Madame Rémy tout à la fois. En même temps, elle regardait de tous côtés avec une vivacité extraordinaire, puis elle se mit à secouer la poignée de la petite portière qui se trouvait près d'elle, à l'arrière de la voiture. Elle la secouait si fortement, sans parvenir à l'ouvrir, que Madame Rémy la retint par sa robe en lui disant « Attends, attends que la voiture soit arrêtée !» La fillette se redressa pour donner un vigoureux coup de pied dans la portière qui s'ouvrit violemment en faisant grincer ses gonds et pendant que la voiture ralentissait, Valserine en descendit sans se servir du marchepied. Elle fit un tour sur elle-même en ouvrant les bras. Elle fit trois ou quatre pas trop grands et mal assurés et, au moment où Gros Goigin arrêtait tout à fait son cheval, la fillette sautait le fossé de la route pour gagner en biais le chemin qui montait très raide jusqu'à sa maison, placée à mi-côte de la montagne, au commencement de la partie boisée. Madame Rémy la rappela tout en empêchant les enfants de descendre. Elle disait, comme l'instant d'avant, « Attends, attends !» Mais Valserine n'attendait pas. Elle courait vers le chemin et quand elle l'eut atteint, elle se mit à le gravir à grandes enjambées en se tenant courbée en deux. Madame Rémy l'appela encore. Il y eut comme une angoisse dans sa voix qu'elle essaya de renforcer quand elle dit « Je t'en prie, Valserine, attends-moi, il faut que je te parle tout de suite. » Elle eut un mouvement d'impatience en voyant que la fillette continuait de monter avec la même rapidité et après avoir fait descendre de voiture les trois petits, elle s'engagea avec eux sur le rude chemin. Pendant ce temps, Valserine était déjà entrée dans sa maison en faisant un grand geste de désappointement. Elle en ressortit presque aussitôt pour lancer un cri aigu et prolongé comme un signal. Son regard s'en alla au loin dans tous les sens et quand elle le ramena plus près, elle ne vit que Gros Goigin qui faisait reculer son cheval afin de ranger la voiture sur le côté de la route et Madame Rémy qui montait péniblement en tirant un enfant de chaque main. Elle attendit encore quelques instants, et comme la réponse à son cri ne venait pas, elle se mit à courir vers la « chambre du gardien ». Là, non plus, rien n'avait été dérangé. Les paquets de tabac étaient toujours enveloppés de gros papier gris, et les boîtes de fer blanc, pleines de chocolat, s'alignaient avec l'ordre qu'elle y avait mis à son départ. Elle eut encore un geste de déception et ainsi qu'elle l'avait fait dans sa maison, elle sortit de la « chambre du gardien » avec l'idée de lancer le même cri prolongé. Il lui sembla qu'elle n'avait pas donné toute sa voix la première fois et elle gonfla sa poitrine afin de lancer aussi loin que possible ce nouvel appel. Mais au même instant, elle recula comme si une main mystérieuse venait de la toucher au visage. Elle se rappelait brusquement qu'elle était devant l'entrée de la « chambre du gardien » et comme si elle eût couru tout à coup un grand danger, elle se baissa vivement pour se glisser par le passage étroit de la cachette. Elle s'assit à demi sur la pierre la plus proche et elle écouta, toute frémissante, les bruits qui pouvaient venir du dehors. Au bout d'un instant, elle s'aperçut qu'il faisait beaucoup plus clair que d'habitude dans la « chambre du gardien ». Des quartiers de roches qu'elle avait toujours crus noirs lui apparaissaient maintenant de la même couleur que les autres. Elle leva les yeux avec curiosité et elle resta toute bouleversée en apercevant un grand morceau de ciel au-dessus de sa tête. Elle fut tout de suite debout pour mieux voir et elle reconnut que la fissure par laquelle le douanier avait autrefois laissé glisser sa baguette s'était considérablement agrandie. Les deux énormes pierres qui formaient la voûte s'écartaient largement par un bout, tandis qu'elles se rapprochaient maintenant par l'autre au point de se toucher. Et lorsque la fillette abaissa son regard sur la longue bande de jour qui descendait dans la cachette comme une étoffe claire, elle vit que du sable glissait par l'ouverture et se répandait sur le sol en un tas qui s'évasait et recouvrait déjà une grande surface. Valserine ne savait que penser de tout cela lorsqu'elle entendit la voix de Madame Rémy l'appeler de nouveau. Elle fit un mouvement pour sortir, mais la même crainte mystérieuse que tout à l'heure la fit reculer de l'ouverture. La voix de Madame Rémy avait d'abord marqué de la colère, mais quand elle devint angoissée et pleine de désespoir, Valserine se boucha les oreilles pour ne pas l'entendre. Le silence revint avec la nuit. La longue bande de jour était remontée peu à peu par l'ouverture. Valserine attendit encore longtemps dans l'obscurité. Des petites chutes de sable, venant d'en haut, la faisaient sursauter de temps en temps. Puis elle crut entendre les pas de son père dans le sentier le plus proche. Elle pensa qu'il pouvait rentrer à la maison sans se douter que sa fille l'attendait dans la chambre du gardien et elle sortit sans bruit. Dehors, rien ne bougeait. Une fraîcheur montait de la terre, toute couverte de hautes herbes et de mille fleurs. Valserine glissait sur les grosses pierres pleines de mousse qui entouraient la cachette. Elle se retenait aux arbres, tout mince et tordu, qui sortaient du creux des pierres, et quand elle arriva devant sa maison, elle poussa la porte en appelant tout bas « Papa !» Elle haussa un peu la voix pour appeler encore « Papa !» Elle comprit qu'il n'y avait personne dans la maison et qu'elle se trompait en croyant voir le prisonnier étendu sur son lit, mais elle était si sûre qu'il allait rentrer dans un instant qu'elle repoussa simplement la porte sans la fermer à clé. Elle se dirigea à tâtons jusqu'à son petit lit et avant de s'étendre dessus, elle ne put s'empêcher de toucher celui de son père dans toute sa longueur. Elle ne voulait pas s'endormir. Elle fit de grands efforts pour ne pas laisser se fermer ses paupières. Cependant, elle fut réveillée par des cris. Elle ne fut pas longue à comprendre que c'était elle-même qui les avait poussés. Sa gorge ne laissait plus échapper de son, mais sa respiration était courte et rude, et elle sentait bien qu'il lui suffirait de faire un tout petit effort pour entendre de nouveau les mêmes cris sourds et pleins d'angoisse. Elle avança encore les mains vers le lit de son père, mais maintenant elle savait très bien qu'il était vide. Elle le touchait seulement pour être moins seule et parce qu'il lui semblait qu'un ami lui donnait la main. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais vu la nuit aussi noire et, chaque fois qu'elle voulait fermer les yeux, une inquiétude les lui faisait rouvrir. Puis un bourdonnement ronfla dans ses oreilles avec un petit sifflement. Elle se souleva pour mieux écouter et il lui sembla que ce bruit emplissait toute la chambre. Elle imagina qu'une araignée tissait une immense toile autour de son lit et elle en ressentit une oppression qui l'obligea à respirer longuement. Et, tout à coup, elle entendit battre son cœur. Elle en écouta les coups un instant et elle dit tout haut « Comme il fait du bruit !» Aussitôt, elle trouva que sa voix avait résonné comme une voix étrangère. Tout son petit corps se resserra et son cœur cogna plus sourdement. Quand il se fut apaisé, elle s'aperçut que le vieux coucou, pendu au mur, ne faisait plus entendre son tic-tac. Son trouble en augmenta et, pour se rassurer, elle chercha à distinguer sa place dans l'obscurité. Elle avait envie de lui parler, comme à une personne amie qui boude. Elle avait envie d'aller tirer ses chaînes, mais elle n'osait faire le plus petit mouvement, de peur de heurter la chose inconnue et pleine de menaces qui bruissait toujours à ses oreilles. Alors, elle resta sans bouger, les yeux grands ouverts dans la nuit. Cependant, le jour arriva. Valserine vit qu'il essayait d'entrer dans la maison, en passant sous la porte et par les fentes des contrevents. Elle le vit se glisser peu à peu vers la petite glace accrochée près de la fenêtre, puis le long des poutres noires du plafond et enfin se fixer dans tous les coins de la chambre. Maintenant qu'il éclairait les chiffres jaunis du vieux coucou, Valserine se leva très vite pour aller toucher du doigt le balancier et, dès le premier tic-tac, le bruissement qui l'avait tant effrayé cessa et il lui sembla que rien n'était changé dans la maison. Cependant, elle visita la pièce comme si elle espérait y découvrir une bête étrange. Elle passa soigneusement le balai sous chaque meuble et enleva les plus petites toiles d'araignée qui s'étaient formées pendant son absence. Un battement d'ailes et deux petits coups frappés au contrevent lui firent oublier les bruits mystérieux de la nuit. C'était la tourterelle qui venait chercher une caresse comme autrefois. Valserine ouvrit la fenêtre toute grande et l'oiseau se posa sur le rebord en saluant et roucoulant, comme s'il avait mille et mille choses à dire. Mais quand la fillette étendit la main pour le caresser, il battit précipitamment des ailes et s'envola au loin. Valserine le suivit des yeux, sans oser le rappeler, et lorsqu'il eut disparu dans les hautes branches d'un arbre, elle s'éloigna de la fenêtre avec une grande envie de pleurer. Ce fut à ce moment que son regard rencontra la petite table chargée de ses livres de classe. Elle se souvint aussitôt du vieux cahier de devoirs qui servait au contrebandier les jours où il avait besoin d'être aidé par son enfant. Elle le prit pour en tourner très vite les pages en lisant les mots tracés entre les lignes déjà pleines. Il y avait de longues phrases expliquant à la fillette ce qu'elle devait faire en revenant de l'école. Mais c'était surtout des indications précises sur le chemin que devait suivre le contrebandier pour rentrer à la maison. Valserine s'arrêta sur les derniers mots. « Par le colombier, en bas du couloir. » C'est là que le contrebandier avait été pris par les douaniers. Elle revit son père tombant dans l'étroit couloir que les bûcherons avaient formé du haut en bas de la montagne pour faire glisser les arbres coupés. Elle le revit, essayant de se relever à moitié de la pente et retombant, le front en avant, contre les troncs mal équarris. À présent, il avait fini sa prison et il ne pouvait tarder à rentrer. Elle essuya brusquement ses larmes avec sa manche, puis elle prit sa plume et, au milieu de la ligne suivante, elle écrivit « Appelle-moi ». La matinée était peu avancée. Cependant, Valserine reconnut, à la couleur du ciel, que le soleil devait éclairer déjà les glaciers qui se trouvaient de l'autre côté de la montagne. Le versant d'en face était encore plein de brume. On distinguait seulement les places blanches où la roche à pic était à nu et les endroits encore plus clairs où, à chaque printemps, la fonte des neiges entraînait des éboulements. Valserine s'aperçut pour la première fois qu'elle connaissait le nom des montagnes voisines. Elle les nomma avec un geste de la main, comme si elle les indiquait à quelqu'un. Un peu à droite, le mont Rond, à gauche, la Dôle, et, presque en face, le col de la Faucille. Maintenant, elle se sentait tranquille autour de sa maison. Peu à peu, le soleil se montra au-dessus du mont Rond et la brume qui recouvrait la vallée s'enleva pour laisser voir les maisons blanches du village de Mijou où se trouve la douane. Elle reconnaissait facilement, parmi les autres, la petite maison carrée des douaniers. Elle n'était jamais passée devant sa grande porte sans en éprouver un peu de terreur depuis qu'elle savait que son père était contrebandier. La fillette eut encore une fois l'idée que le prisonnier pouvait se trouver sur un sentier des environs. Elle lança de toute sa force le cri d'appel qu'il connaissait si bien et auquel il avait toujours répondu, mais ce cri resta sans réponse, comme celui de la veille. Elle n'en fut pas inquiète. Elle était sûre que son père allait arriver et qu'il lirait la dernière phrase écrite sur le cahier. Il ne refuserait pas de la garder auprès de lui pendant quelques jours et ensuite elle le quitterait pour retourner à la diamanterie de Saint-Claude. La faim qui commençait à lui tirailler l'estomac l'obligea d'aller chercher des provisions à la « chambre du gardien ». Elle emplit ses poches de chocolat et de gâteaux secs et elle s'engagea sur la pente boisée à travers les sentiers qui descendaient dans la combe de Mijou pour remonter ensuite au col de la Faucille. Elle rôda longtemps sous bois en se tenant tout proche d'un chemin qui avait été autrefois une route et que l'herbe et les pierres encombraient maintenant, puis elle finit par trouver une éclaircie d'où elle pouvait voir toute la ville de Gex où était la prison. Jamais la plaine du pays de Gex ne lui avait paru aussi grande et le lac de Genève, qui la terminait, la faisait penser à une étoffe déteinte par l'usure et toute déchirée au bord. Il lui sembla que tout ce qu'elle voyait ce jour-là était différent des autres fois. La tête de vieillard, à longue barbe, qu'elle avait toujours vue au sommet du Mont-Blanc, prenait aujourd'hui la forme d'un chien, levant son museau pour hurler tristement. Et les barques du lac, avec leurs grandes voiles pointues, comme les ailes des hirondelles, la faisaient penser à de grands oiseaux blessés tout près de se noyer. Elle fermait les yeux pour essayer de revoir les choses sous leurs formes anciennes, mais elle n'y parvenait pas. Elle n'en ressentait pas de trouble, elle regrettait seulement que son père ne fût pas là pour en rire avec elle comme il avait fait la première fois qu'ils étaient venus ensemble sur ce chemin et qu'elle avait vu les choses tout à l'envers. C'était à la place même où elle se trouvait en ce moment que le contrebandier s'était arrêté pour lui dire « Tu n'as pas de chance. On ne voit pas le lac de Genève aujourd'hui. » Il avait ajouté, en abaissant son bâton vers la plaine, « Tiens, il est sous ce monceau de nuages gris que tu vois là tout en bas. » Mais Valserine avait aussitôt levé la main vers le Mont-Blanc pour montrer à son père le lac qui s'étalait très large et très bleu entre deux nuages roses au-dessus des glaciers. Il lui était arrivé, une autre fois, de voir le Mont-Blanc tout en flammes, mais elle avait vite compris qu'il était seulement éclairé par le soleil. Ce matin, la masse de nuages gris ne recouvrait plus le lac. Elle s'élevait lentement en fumée blanche vers les glaciers et le pays de Gex laissait voir toutes ses routes. Valserine surveillait les plus proches. Elle trouvait que les gens mettaient beaucoup plus de temps qu'il n'en fallait pour aller d'un endroit à un autre. Ils avaient l'air de sauter sur place plutôt que de marcher et le moindre de leurs gestes lui paraissait plein de signification. Quand le soir revint, Valserine se décida à reprendre le chemin de la maison. Le soleil se couchait du côté de cette moncelle et la fillette ne put s'empêcher de frissonner en le voyant si rouge. Il passa entre des nuages longs, comme des arbres coupés, sur lesquels il laissa des taches et il entra dans un gros nuage sombre qui semblait l'attendre. Valserine crut qu'il était couché, mais presque aussitôt, il sépara le nuage en deux, comme s'il voulait encore une fois regarder la fillette, puis il se montra, arrondi seulement par le haut, comme la porte de la maison des douaniers de Mijou, et après avoir taché de rouge tout ce qui l'entourait, il disparut de l'autre côté de la montagne. Pendant ce temps, un oiseau voletait d'un arbre à l'autre en faisant entendre un bruit semblable à celui que font les ciseaux qu'on ouvre et qu'on ferme sans rien couper. Tsic, tsic, tsic. La nuit tombait lentement et Valserine, qui n'avait jamais eu peur dans le bois, se retournait souvent pour regarder derrière elle. De temps en temps, elle lançait son cri d'appel qui restait toujours sans réponse. Le chemin qu'elle suivait la fit passer près de la maison de la mère Marienne. Valserine connaissait depuis longtemps la mère Marienne. Chaque fois que son fils était en prison, la vieille femme apportait ses œufs et ses chevrets au père de la fillette qui se chargeait d'aller les vendre à Saint-Claude ou à Sept-Moncelles. Elle connaissait aussi sa haine pour les douaniers. Elle l'avait vu plusieurs fois leur jeter des pierres du haut du chemin et elle n'osait jamais s'approcher d'elle à cause de ses yeux qui paraissaient toujours inquiets et pleins de soupçons. Pourtant, ce soir, elle avait une grande envie d'entrer pour lui parler de son père. Ce matin même, elle avait reconnu le fils de la vieille femme au moment où il traversait la route pour se rendre à Gex. Il devait être de retour maintenant et savait sans doute où se trouvait le prisonnier. Elle se décida à pousser la porte après avoir fait le tour de la maison. La mère Marienne était debout, devant une table plus longue que large, et la lampe, qui se trouvait sur le coin du buffet, éclairait un de ses poings qu'elle tendait devant elle comme si elle s'apprêtait à frapper quelqu'un. Elle laissa retomber son bras en reconnaissant Valserine et elle lui dit d'un ton plein de colère « Les gendarmes sont passés par ici, ils te cherchent !» Valserine ne sut pas démêler si c'était contre les gendarmes ou contre elle que la mère Marienne était fâchée. Cependant, elle prit du courage et répondit « J'attends mon père !» La mère Marienne regarda la fillette comme si elle ne comprenait pas. « Oui, répondit Valserine, il a fini sa prison et il ne peut tarder à rentrer. » Et pendant que la vieille femme la regardait toujours d'un air étonné, la fillette s'empressa d'ajouter « Je venais vous demander si votre fils l'avait vu. » Les deux poings fermés de la mère Marienne remontèrent contre sa mâchoire, ses paupières se mirent à battre et en se reprenant plusieurs fois, comme si ses paroles lui faisaient trop mal à la gorge, elle cria, en s'avançant sur Valserine, « Ils l'ont tué, ton père! Ils l'ont tué! Ne le savais-tu pas ?» Valserine regardait le visage tout convulsé de la mère Marienne et la grande terreur qu'elle en ressentait l'empêchait de bouger. La vieille femme continuait, avec une voix pleine de fureur, « Ils l'ont tué comme ils ont tué autrefois mon pauvre mari, et mon fils est parti ce matin à Gex pour le voir mettre dans le cimetière. » Puis elle mit ses poings sur ses yeux, comme si elle voulait s'empêcher de regarder une chose affreuse, et Valserine s'enfuit, épouvantée.